British Connection avec vous depuis 1982. You rock! Je reçois Vincent Brunner dans British Connection. Il va nous parler de son livre Sandinista, 12 décembre 1980. The Clash fait sa révolution. Tout de suite dans British Connection. All receivers to boost. This is London calling. This is London calling. Salut, c'est Vincent Brunner dans British Connection. Alors tout d'abord, merci à British Connection de me laisser carte blanche. Je me présente, je suis journaliste et auteur. J'écris notamment sur la musique dans les In Rock. J'écris aussi sur la bande dessinée. Et puis parfois, je fais de la bande dessinée qui parle de musique ou un peu l'inverse. Et avec vous, je voulais revenir sur une de mes obsessions, l'album Sandinista de The Clash qui est sorti à la toute fin de l'année 1980. Alors c'est vraiment une obsession depuis très longtemps, depuis mon adolescence, parce que quand j'ai eu pour la première fois cet album dans les mains, qui était à l'époque réédité sous la forme d'un double CD, il était vendu en import japonais, donc il était assez cher, et quand je l'ai eu, que j'étais dans ma chambre à regarder cet objet dingue avec ses 36 chansons qui s'offraient à moi, je me suis dit qu'un jour, j'écrirai un livre sur Sandinista. J'ai eu cette intuition qui était un peu folle, aussi un peu stupide, parce qu'à l'époque, je n'étais rien du tout. J'étais juste un ado passionné de musique. Mais ce qui est beau, ce qui est magique, c'est que 30 ans plus tard, j'ai pu exaucer ce rêve grâce aux éditions des Castors Astral. Et donc, j'ai écrit Sandinista, 12 décembre 80, The Clash fait sa révolution. Et qui revient, bien sûr, sur la conception de cet album. En fait, la conception de Sandinista, elle court sur toute l'année 1980. Et c'est aussi un moment où le groupe est en bisbille avec sa maison de disques qui a refusé en fait de sortir le single Bankrobber. Et donc il y a vraiment là pour le coup un clash entre Clash et CBS, ce qui fait que le groupe va partir vraiment, va expérimenter un petit peu sans deadline, sans limite, faire des choses qu'il n'aurait sans doute pas faites s'il avait été pressé par le temps, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé à l'époque. Et c'est vraiment ce que j'apprécie dans cet album, c'est qu'il est complètement labyrinthique, c'est un laboratoire ouvert au public, un peu comme finalement les Beatles avaient pu concevoir leur album blanc. C'est un album qui a sa propre logique, et je sais que beaucoup de fans de Clash préfèrent ou alors les tout débuts, plutôt punk, ou alors London Calling, qui est vraiment le chef-d'œuvre célébré absolu. Mais moi, vraiment, c'est Sandinista, parce que c'est un album qui part dans tous les sens. Alors, il y a quand même du rock'n'roll sur Sandinista, autrement, je ne vous aurais pas proposé d'en parler, bien sûr. Et il y a notamment un morceau qu'on va écouter d'ici quelques secondes, un morceau qui aurait dû figurer sur la bande originale du film Cruising de William Friedkin, parce que, en fait, Clash avait reçu un appel de Jack Nitzsche, célèbre musicien, qui était en train de bâtir un peu la bande-son de Cruising. Alors Cruising, c'est un thriller de William Friedkin autour d'un serial killer qui sévit dans le milieu homosexuel new-yorkais, c'est Al Pacino, l'acteur principal. Et finalement, en fait, ils ont eu cette commande et ils ont commencé à bâtir un morceau, donc Somebody Got Murdered, parce que à un moment, en fait, c'est Joe Strummer qui avait vu que le gardien du parking près d'où il habitait avait été assassiné, et le meurtrier en fait l'avait tué apparemment parce qu'il n'avait pas rendu la monnaie sur 5 livres. Donc c'est vraiment quelque chose de bizarre, mais qui a servi d'inspiration à ce morceau Somebody Got Murdered, qui est vraiment un des morceaux sans doute les plus nerveux de Sandinista. Et bien sûr, il figure sur Sandinista, mais il figure pas sur Cruising, parce que je pense que Clash a dû être hors délai, ou alors, selon la légende, Jack Nitzsche n'aurait pas rappelé le groupe. Bon, ce qui est assez ironique. Je vous laisse avec Somebody Got Murdered. Take the swing and pass it back and forth. punk no dead, British Connection. Alors je continue avec ma carte blanche consacrée en grande partie à Sandinista de The Clash, l'album sorti fin 1980. Alors ce qui me fascine aussi dans cet album, et c'est ce que je raconte dans le livre sorti chez le Castor Astral, c'est que c'est un peu un voyage, mais littéralement. C'est que Clash l'a enregistré en grande partie à New York. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il y a une grosse touche hip-hop, parce que c'était la musique qu'ils écoutaient, qu'ils entendaient dans la rue. Et on sait que Mick Jones était allé dans un disquaire hip-hop acheter les dernières nouveautés dans le genre, parce qu'il savait qu'en Angleterre, il les trouverait pas de suite. Mais ils sont aussi ces punks fascinés de reggae depuis longtemps sont aussi allés enregistrer en Jamaïque. Alors on sait que Joe Strummer et Mick Jones étaient déjà allés tous les deux écrire le deuxième album de Clash, Gizem and Off Rope, à Kingston, mais finalement ils n'étaient pas sortis de leur hôtel. Ils avaient écrit, en fait ils s'étaient juste aventurés pour acheter je crois un sac d'herbe, mais finalement ils n'avaient rien vu de Kingston même. Là quand ils reviennent donc 2 ans plus tard à Kingston, c'est en compagnie de Mickey Dread. Mickey Dread, comme Paul Simonon, qui est un gros fan reggae aussi de Clash, comme Paul Simonon l'a dit, Mickey Dread, ça a été leur passeport. C'était un artiste jamaïcain qui avait toute sa légitimité et qui était très connu en Angleterre. Et grâce à Mickey Dread, ils ont pu rencontrer des musiciens locaux et puis aussi ils ont pu aller à un studio mythique, le studio Channel One. Alors je suis désolé s'il y a vraiment des allergiques au reggae, mais on va en écouter un tout petit peu. Mais c'est surtout qu'il y a une super histoire, c'est que quand Clash est donc arrive à Kingston, ils vont direct donc à Channel One. Il y a des musiciens locaux qui sont là, qui vont un peu engager sur le champ. Tout se fait un peu à la bonne franquette. Et ils vont enregistrer un morceau qui n'est absolument pas du reggae à la base. C'est un morceau plutôt de rhythm and blues de la New Orleans, Junko Partner. Ils vont l'enregistrer et tout va se passer très très bien. Sauf que petit à petit, les Clash et Mickey Dread se rendent compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se radinent. Parce que des musiciens, des rockers blancs qui enregistrent à Kingston, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Les derniers en date, c'était les Stones. Et quand les Stones sont venus en Jamaïque enregistrer, eux, ils avaient beaucoup plus de moyens que Clash. Alors que Clash, là, finalement, à cette époque-là, vit pratiquement sur la carte bleue de la petite amie de Paul Simonon. Et alors que les Stones, eux, avaient un peu l'habitude d'arroser, de donner des billets, finalement, pour pouvoir enregistrer en paix, Clash se retrouve un petit peu débordé par la petite foule qui commence à se masser autour du studio. Et à un moment, Mickey Dread sent que il vaut mieux partir. Et même, c'est ce que le groupe Paul Simonon racontera aussi plus tard. Et après, c'est un peu la légende, c'est que finalement, ils avaient l'impression que c'était les gangsters qui venaient peut-être les rançonner, qui valaient mieux décamper. Donc ça, c'est un peu une aventure de pieds nickelés, mais ça a donné un super morceau de reggae, un morceau de R&B transformé en reggae envoûtant, et c'est Junko Partner que je vous propose d'écouter maintenant. Yeah. hot girl. She wouldn't sign her name. Dans British Connection. Alors je continue ma carte blanche en me faisant un peu plaisir. Je vous propose une petite escapade vers la country music avec un morceau de Johnny Cash, une chanson de Johnny Cash, alors qui a une histoire et je vais vous la développer, et surtout qui a un destin vraiment totalement inattendu. Cette chanson figure sur un album de 1959, Songs of Our Soil, et c'est une chanson qui figure sur un album où Johnny Cash, qui a quand même commencé un peu comme un rocker au tout début, là aborde déjà un peu le territoire de la musique folk. Il revient sur l'Amérique disparue qu'il a connue, celle de l'entre-deux-guerres, celle de la Grande Dépression. Johnny Cash a grandi dans une famille qui était assez pauvre, qui cueillait du coton alors que c'était déjà très mal payé. Et dans un des épisodes de son enfance qu'il a le plus marqué, sa famille et lui, ils ont dû quitter leur ferme à cause d'une grande crue du Mississippi. C'était, je crois, en 1937. Et ça lui a inspiré une chanson qui s'appelle « 5 Feet High and Rising », où donc à chaque fois l'eau monte pendant toute la chanson. Et ce qui moi m'intéresse aussi dans cette chanson, c'est que elle a eu par un coup de billard insensé, elle figure dans un des morceaux de rap, car on va parler de rap brièvement, sur un album de rap qui est pour moi magique, qui s'appelle 3 Feet High and Rising de De La Soul. Alors je lui ai consacré un livre au Castor Astral qui est sorti en octobre dernier, qui s'appelle De La Soul aussi mort que vivant. Et c'est ça aussi la magie du sampling. Alors je sais peut-être que chez vous, vous êtes peut-être allergique au sampling, mais il y a quand même une vraie dose de créativité dans l'utilisation des échantillons de musique extérieure. Et un groupe comme De La Soul l'a prouvé, grâce aussi à la collection de disques de leurs parents respectifs. C'est ça aussi qui est cool, c'est que quand ils ont fait cet album, c'est donc ces trois garçons qui habitaient près de New York, à Amityville, ils ont pioché dans la collection de disques de leurs parents, et un père, je crois le père de Trougueuil, je crois, était fan de country, et donc il y avait ce disque de Johnny Cash qu'ils ont écouté, et donc ils sont tombés sur cette chanson donc 5 Feet High and Rising, qu'ils ont samplé un tout petit bout qu'on entend dans un morceau qui s'appelle Magic Number. Vous l'avez peut-être même entendu dans le dernier Spider-Man, figurez-vous. Et donc dans Magic Number, on entend un peu la voix de Johnny Cash. Et puis aussi, ce qui est dingue, c'est que bah, ça a inspiré à De La Soul le titre même de leur album, de leur premier album. Donc à partir de 5 Feet High and Rising, eux, ils ont eu l'idée de faire 3 Feet High and Rising parce qu'ils étaient 3 et que finalement, ce nombre 3 leur paraissait magique. Donc je vous propose d'écouter 5 Feet High and Rising de Johnny Cash et je vous salue et longue vie à British Connection. How high is the water, mama? 2 feet high and rising. How high is the water, papa? She said it's 2 feet high and rising. But we can make it to the road in a homemade boat, 'cause that's the only thing we got left that'll float. It's already over all the wheat and oats. 2 feet high and rising. How high's the water, mama? 3 feet high and rising. How high's the water, papa? She said it's 3 feet high and rising. Well, the hives are gone, I lost my bees. Chickens are sleeping in the willow trees. Cows in water up past her knees. 3 feet high and rising. How high's the water, mama? 4 feet high and rising. How high's the water, papa? She said it's 4 feet high and rising. Hey, come look through the window pane. The bus is coming, gonna take us to the train. Looks like we'll be blessed with a little more rain. 4 feet high and rising. How high's the water, mama? 5 feet high and rising. How high's the water, papa? She said it's 5 feet high and rising. Well, the rails are washed out north of town. We gotta head for higher ground. We can't come back till the water goes down. 5 feet high and rising. Well, it's 5 feet high and rising. Si t'aimes vraiment le rock, pose cette guitare et branche-toi sur British Connection. British Connection, l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Retrouvez Vincent Brunner dans son livre Sandinista, 12 décembre 80, The Clash, Fessa, Révolution, chez le Castor Astral. Ce sont peut-être les enfants des Clash, Hardfile, guitare fréquente et puissante. To a cash machine to get a ticket home. A message on the screen says don't make plans, I broke. No, no, this can't be right. I know the time is tight. I've only just been paid 3 weeks, but there's still I've seen. Skip the film, ticket inspectors there. No, no, this can't be right. I live an honest life. It seems like sometimes you don't cross the line. Tried to play it safe, but now we could not wait. No, no, this can't be right. She said it would be alright. I can't afford to be a daddy, so I leave tonight. No. Connection, l'émission rock vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. Deuxième partie de l'EP de la semaine, juste derrière toi, des Otisker. Attention, elles seront en concert samedi à Pléo Festival Hibernaroc, le 12 février à Saint-Brieuc, le 18 février à Sannois et le 17 mars à Niort. Je marche derrière toi, c'est le second titre qu'on a composé, c'est aussi le premier qu'on a écrit à deux. Et on y a mis beaucoup d'énergie dans ce premier morceau parce qu'on avait des histoires communes avec Margot sur des gens toxiques qui nous ont embêtés un peu dans notre vie. Et tout est sorti et ça fait ce titre énergique. Tu mettais du parfum pour plaire, pour taire les soupçons malsains, éternel, terre éteint la lumière. J'entends ton chant, toutes tes notes plus. Tu flirtes avec les deux. Tu mettais dans ma main deux gouttes de parfum. Tu montais dans ma main. Tu mettais du parfum. Nous d'interdit après minuit, on brille si je suis parti. Tu l'as blessé. Sur le sol, tu l'as vu danser, tourner tout autour de ton corps. Je ne t'aime plus à contre-cœur, je ne t'aime plus. été, j'aime bien bronzer au bord de ma piscine en écoutant British Connection. En hiver, sur les pistes de ski, jamais sans British Connection. Au printemps et en automne, bah, British Connection, évidemment. Mais qu'est-ce que tu crois ? British Connection, c'est la seule émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock.